Takashi Murakami est un artiste, peintre, sculpteur et réalisateur japonais. Il est né le 1er février 1962 à Tokyo. Il a grandi dans une certaine pauvreté, mais malgré tout, il rêve de devenir animateur de dessins animés. Il réussit l'examen d'entrée à l'Université des Beaux-Arts et de la Musique. Il est diplômé en 1986 et poursuivra ses études en master puis en doctorat. C'est en 1993 qu'il termine ses études et c'est 2 ans plus tard, en 1995, qu'il fonde le studio de production Iropan Factory qui changera de nom en 2001 pour Kaikai Kiki Corporation. Cette structure lui permet de soutenir le travail d'autres artistes, de produire et vendre des produits dérivés. Le style artistique de Murakami, inspiré de la culture otaku, par les mangas, animés et jeux vidéo, se définit par plusieurs mouvements comme le super flat et le pop art. L'une de ses œuvres les plus populaires se nomme My Lonesome Cowboy. C'est une sculpture faite en 1998. Le matériau utilisé est la résine époxy. Elle a été vendue aux enchères pour 15 161 000 dollars. On peut voir que la sculpture représente un jeune homme avec des cheveux blonds, un air déterminé sur le visage, nu, tenant avec une main son sexe. On peut voir une salve de sperme qu'il brandit comme un lasso. L'homme semble sortir d'un manga ou d'une animation. L'œuvre est relativement dynamique de par la position du personnage, debout, les jambes écartées. On peut aussi voir une exagération car cela est physiquement impossible de faire jaillir autant de semences d'un appareil sexuel. Cette sculpture est une ronde bosse. En effet, nous pouvons tourner tout autour. Mais c'est aussi une statue en pied car on peut voir un socle de forme carrée, blanc et très épuré. L'artiste veut ici montrer que la société est déboussolée. En effet, dans la culture otaku, notamment dans les mangas et animés, le sexe est très exagéré. Ici, Murakami a voulu montrer cette exagération à travers la sculpture. On peut interpréter cette œuvre comme une dénonciation de l'exagération du sexe dans la culture. Le public pourrait être déstabilisé par cette œuvre uniquement sexuelle au premier abord. On pourrait la comparer avec une autre œuvre du même artiste, Iropan, faite en 1997, avec la même technique que pour My Lonesome Cowboy. Le titre fait d'ailleurs référence à la BD occidentale Lucky Luke. On peut ici y voir une exagération similaire. La fille sculptée possède une énorme poitrine et elle joue à la corde à sauter avec le lait sortant de ses seins. Le message présent est ici similaire. Pour conclure, Takashi Murakami est un artiste mondialement connu. La culture otaku l'aura énormément influencé le long de sa carrière. Comme Andy Warhol et Jeff Koons, son travail va plus loin que la culture pop. Il porte un regard caustique sur la société actuelle.